il projetait des attaques contre des musulmans. L'enquête devra déterminer le degré d'avancement et de maturité du projet. Comme le prévoient les textes en matière de lutte antiterroriste, les gardes à vue peuvent s'étendre jusqu'à 96 heures. Erdogan, toujours au pouvoir, le chef de l'État turc a été réélu dès le premier tour de la présidentielle hier pour un nouveau mandat. 52,5% dont plus de la moitié pour son parti. Ses partisans ont fait la fête une bonne partie de la nuit dans les rues d'Istanbul. 15 ans qu'Erdogan est au pouvoir. Sa réélection est marquée par un mandat au pouvoir renforcé. L'opposition parle de fraude et réclame un second tour. Paris et Berlin, main dans la main. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé à des accords à plusieurs pays sur les défis migratoires. Ils veulent contourner l'absence de consensus qui paralyse l'Europe. Hier, les dirigeants des 16 pays de l'Union étaient réunis à Bruxelles, mais aucune mesure concrète n'a été trouvée pour régler le flux des migrants. Et un nouveau drame qui se tient en Méditerranée. Un navire avec 239 demandeurs d'asile à bord est à la dérive en ce moment au large de Malte. Une étude qui fait froid dans le dos, le tabac, l'alcool, la malbouffe et l'obésité sont les facteurs principaux en France de 40% des cancers évitables. Des chiffres publiés ce matin par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé et Santé publique France. Le cancer est la première cause de mortalité en France devant les maladies cardiovasculaires. Les tumeurs ont tué 164 000 personnes en 2013, d'après le ministère de la Santé. Dans le mondial. Et puis on fait le point sur les qualifiés pour les huitièmes de finale, Russie, Uruguay, France, Croatie, Angleterre et Belgique. C'est une semaine de soleil qui s'annonce sur la plupart des régions. On pourra avoir quelques nuages sur les frontières du nord-est ce matin, puis deux ou trois qui vont traîner sur les reliefs alpins. Mais le beau temps va très très vite dominer, comme ce week-end. Et ça va durer toute la semaine, avec des températures qui vont monter crescendo au fil des jours. Du côté du Mercure d'ailleurs, en ce moment, on a 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Auxerre, 11 à Rennes, 16 à Lyon, Paris et Toulouse. Et puis dans le courant de la journée, les températures vont encore grimper. On aura jusqu'à 28 degrés sur la moitié nord et 31 pour le sud. 6h02, c'est reparti pour le Double Expresso. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bienvenue 400 Trees sur RTL tout de suite. Fast, how fun, how fun. 4 Centuries, Keep on Dancing sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL2. Bonjour et bienvenue, on est lundi matin, c'est le 25 juin qui s'ouvre à nous. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. On va faire un petit tour de table pour saluer toute l'équipe. Bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour la compagnie. Quel ringard. Salut Jojo. Oh, ça attaque d'entrée de jeu avec un gros ringardos. La compagnie, ça va, t'es en forme? Ouais, ça va, nickel. 6h55, 8h55, exactement. Bonjour Jérémy. Bonjour mon équipe préférée. Voilà, ça c'est bien, c'est Fayot. On est ta seule équipe. C'est pas faux. Non, ouais, c'est pas faux non plus, il est aux manettes. Et bonjour Max, c'était aux réseaux sociaux. Coucou les loulous. Non, allez, vous arrêtez là. Et tout, on va pas se faire un concours de ça parce que ça va être l'enfer. Il y a Vivi au standard jeu au 32-28. Pour le premier jeu de la matinée, ça sera le tube de la brosse à dents RTL2 à 6h45. T'as passé un bon week-end? J'ai passé un très bon week-end, oui, il a fait beau. J'étais au vert. Bon, bah c'est bien. Ouais, et toi? Moi j'ai bossé. Je vais pas te mentir. Ah, c'est la Coupe du Monde. Oblige. Donc, du coup, moi, je travaille pour la télé chez l'équipe. Donc, j'ai bossé non-stop. Pas ici, mais ici, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Tiens, c'est l'anniversaire d'une jeune femme qui a beaucoup de talent qu'on aime. C'est Cécile Cassel. C'est la chanteuse de Lissiz. C'est aussi l'anniversaire du copain Bruno Guillon, qui est aux manettes de la matinale Fun Radio, qu'on embrasse. Ah oui, hein, bon, c'est le même groupe que nous. Bruno. Voilà, il passe souvent nous voir. Philippe Lachaud, de la bande à Fifi, le fameux Philippe Lachaud, le roi de la comédie française en ce moment, à 38 ans. Et bah oui, et c'est aussi la Saint Prosper. Prosper, Youplazou, c'est le roi du pain d'épices. Bon, bah voilà. Si, Prosper, le roi n'est pas d'épices. Eh ben, j'aurais une news générationnelle, tiens, comme ça j'aime bien ce petit mot. J'aurais une news à vous donner concernant des bonbons, mais un petit peu plus tard. Je vous garde ça, hein. Il m'y ferait penser. Ah oui, oui, bah, t'inquiète pas, je note. Julian Peretta, Sting et Lenny Kravitz pour le son pop rock d'RTL2 à 6h18, l'info expresso, 6h25, l'horoscope. Le winner du jour à 35, et puis donc le top, le tube de la brosse à dents et le top 3 de Jonathan.

7h16, c'est le Double Expresso RTL2. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bon, ça vient de sonner, c'est un peu difficile, c'est la reprise, c'est lundi matin, on est là. Hein. Oui, on est en pleine forme même. On est ravis d'être avec vous. 32-28 pour jouer au tube de la brosse à dents dans une demi-heure, 6h45, avec Bruce Springsteen. On vous offre un coffret cadeau Brittany Ferries. In my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Dans le Double Expresso RTL de 6h20. L'Info Expresso RTL 2. L'Info Expresso, c'est tous les jours à 6h20, 7h20 et 8h20. Et on lit la presse, on fouille le web pour vous trouver des petites infos croustillantes. Et ce matin, je suis allé sur le Figaro.fr, je me suis mis dans la peau de Jamie et Fred, et pas Jamie et Fred, Jamie et Fred. Et donc, du coup, c'est un peu mon petit côté, c'est pas sorcier. Est-ce qu'il y a un son, vous, qui vous aurait pile? Allez, tour de table rapide, Justine. Ah, bah, comme beaucoup, le son des ongles ou de la craie sur le tableau, là. Ah, oui, d'accord. Crispo, oh là là, rien d'imaginer. Ouais. Horrible. Ouais. Jonathan, alors moi je vis dans un studio, c'est le son du frigo. Ah, la nuit. Tu sous-entends que t'es pas assez payé? Ouais. Non, mais bon, je vis dans un studio et le frigo fait du bruit la nuit. Il est heureux dans son studio. Il est très heureux, il a chauffage au sol. Et alors, et toi, Jérémy? Ah, moi, c'est les gens qui mâchent leur chewing-gum la bouche ouverte très très fort. Ah oui. Et moi, ma femme me dit, ça va la vache? Ouais. C'est vrai. Et je mâche un peu fort le chewing-gum. Bon, bah, en tout cas, il y a un autre son, moi, qui m'horripile. Et donc, ça va être l'explication en plus trouvée ce matin sur lefigaro.fr. C'est la goutte d'eau qui tombe, le fameux. Oh! Tu rigoles ou quoi? T'entends ça tout le temps? Oui. Bah oui, évidemment. Alors donc, pourquoi est-ce que cette goutte d'eau fait autant de bruit? Eh bah, ben, c'est Anurag Argawal. Ouais, il rapporte des points au Scrabble. Pardon, mais est-ce qu'on peut éteindre le son là, merci. S'il vous plaît. Qui est chercheur au département ingénierie de l'université de Cambridge, qui s'est penché sur la question parce qu'il a été gêné par le bruit de cette fuite d'eau. Alors en fait, c'est pas la goutte d'eau elle-même qui génère ce bruit, c'est une petite bulle d'air qui se crée lors de l'impact avec l'eau et qui est entraînée sous la surface. Je vous passe l'explication parce que scientifiquement, on n'arrivera jamais à comprendre. Mais en gros, on sait d'où vient le bruit, ça le rend horripilant, mais on sait comment l'éviter. Ah. Donc je vais vous dire comment arrêter ce petit bruit de ploc-ploc. Sachez que le moyen pour le supprimer, c'est le liquide vaisselle. Le liquide vaisselle. Ça empêche la bulle d'air de se former. Du coup, la goutte tombe en silence. Après, il faut gérer la bonne dose suivant la hauteur et la vitesse de la chute. Mais si vous mettez un petit peu de liquide vaisselle, eh bien l'eau, quand elle tombera, sera silencieuse parce que ça ne générera pas de bulle. Donc vous mettez un peu de liquide vaisselle. Mais c'est pas vrai. Vaisselle. J'ai pas les A. Vaisselle en haut de votre robinet et boum. Ah ouais. C'est à tester ça. Et bah, sinon, on ferme le robinet. Mais non, mais parfois ça fuit. Ok. Bah oui, tu peux avoir un joint qui. Dis donc, hey, oh, SOS plombier là. On va y aller tranquille. Je vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL 2. I said, why did you ever even try? Infiltrate but never find, just falling slowly. You left me so damn lonely. Try stepping back to when we rhymed. Maybe recreate the times you were shy but happy, and we were fine and dandy. Here we are again. Oh. But backseat love don't move me. I'm just far too choosy. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go. Just know that we could. Arrête à Wonder Why dans le double expresso RTL 2. Son nouvel album est d'ailleurs prévu pour cette année. On vous tient au courant. 6h26, bah c'est l'horoscope de ce lundi 25 juin. Les médailles de bronze, Justine et les Gémeaux. Vous vous emportez facilement, détendez-vous. Allons bon, balance. Vous attaquez la semaine en petite forme. Un peu de repos, vous ferez le plus grand bien. Les médailles d'argent avec les béliers. Vous vous accordez des petits plaisirs, vous avez bien raison. Les cancers. Vous n'avez pas été trop dépensier ce week-end, vous pouvez être fier de vous. Les lions. Vous êtes prévoyant, vous ne vous laissez pas dépasser par les événements. Vierge. Il y a du mouvement dans votre vie sentimentale, la nouveauté vous fait du bien. Scorpion. Vous n'hésitez pas à faire des sacrifices pour concrétiser vos projets, vous savez en tout cas ce que vous voulez. Ça c'était les vierges donc, hein, voilà, scorpion maintenant. Ouais. Les invitations fusent à droite et à gauche, il faut dire que vous êtes incontournable en ce moment. Sagittaire. La chance vous sourit ces derniers temps, profitez-en. Capricorne. Vous resserrez les liens avec vos proches, ils vous aident à faire les bons choix. Verseau. Vous faites des efforts pour avoir un meilleur relationnel, les progrès commencent à se faire sentir. Et alors la médaille d'or du jour c'est pour... Pour les poissons, le week-end vous a fait du bien, vous êtes en pleine forme pour attaquer la semaine. Louise Attaque, ton invitation, c'est ce qui arrive pour le son pop rock d'RTL 2. Il y aura aussi le winner du jour et les Red Hot Chili Peppers. Bonjour, bon réveil, 6h28. Lorsque vous écoutez Gossip, vous êtes sur RTL 2. Et Chiran, c'est le son pop rock RTL 2. Oasis. C'est forcément RTL 2. RTL 2. RTL 2. Le son pop rock. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Mission mariage. Pour que le plus beau jour de leur vie ne tourne pas au cauchemar, les futurs mariés peuvent compter sur Christina Cordula. Elle va tout faire pour les aider à surmonter les imprévus qui pourraient gâcher le jour J. Quelle émotion, mais c'était tellement beau. Entre rire et larmes, va-t-elle remplir sa mission ? Mission mariage, présentée par Christina Cordula, c'est ce soir à 21h sur M6. Et vous ? C'est quoi votre défi avec les plaques Habito de Placo ? J'ai un client toqué de cuisine. Alors pour accrocher 300 kilos de meubles au mur, il fallait la bonne recette. Heureusement, maintenant, il y a Habito. La seule plaque capable de supporter 60 kilos par point de fixation. Défi relevé. Professionnel, découvrez la plaque Habito dans votre point de vente et sur placo.fr. Placo, une marque de Saint-Gobain. Pendant les vacances, vous allez sûrement attendre votre tour au péage, la vague, le vendeur de glace, un transat disponible, le petit vent frais du soir. Au moins avec Jeep, vous n'attendrez pas avant les vacances. Profitez d'une très large gamme de SUV Jeep disponible immédiatement avec Ready to Drive et bénéficiez d'une remise jusqu'à 6000 euros sur Jeep Compass. Jusqu'à 6000 euros de remise non cumulable avec d'autres offres en cours, valables jusqu'au 31 juillet sur une liste de Jeep Compass identifiée en stock selon modèle et motorisation. Réservée aux particuliers sous conditions de reprise. Ready to Drive, prêt à partir. Détails sur Jeep.fr. Bonjour et bon lundi, il est 6h30, il est temps de retrouver Fabienne Tercaef pour les infos. Bonjour Fabienne. Bonjour Justine, bonjour à tous. Un nouveau navire de migrants bloqué en mer. Quelques jours seulement après l'Aquarius, c'est le Lifeline qui stagne en Méditerranée. 239 migrants sont à bord, dont 14 femmes et 4 enfants. L'Italie refuse une nouvelle fois depuis quelques jours de laisser le bateau accoster. De l'eau, de la nourriture et des médicaments leur ont été apportés de Malte ce week-end, mais il n'y a pas de solution pour les accueillir pour l'instant. L'Europe qui se penche justement sur ce problème migratoire. 16 pays de l'Union étaient réunis hier à Bruxelles, mais pas d'accord en vue pour accueillir les bateaux remplis de migrants qui arrivent d'Afrique. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé à un consensus, mais pour le moment, les différents pays n'arrivent pas à s'accorder. En Turquie, la réélection de Recep Tayyip Erdogan à la tête du pays. Le président sortant n'a pas attendu les résultats officiels. Il a annoncé sa victoire avec 53% des voix hier. Erdogan re-signe pour 5 ans. Hier soir, il a présenté sa feuille de route et notamment son souhait de lutter contre le terrorisme. 10 interpellations dans l'ultra-droite en France. 10 personnes qui ont été arrêtées ce week-end en Corse, en région parisienne, dans la Vienne et en Charente-Maritime. Un groupuscule dirigé par un retraité de la police nationale. Il projetait des attaques contre des musulmans, visiblement pour se venger des attentats terroristes en France. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. En foot, dans le mondial, on fait le point sur les qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. 6 équipes sont déjà qualifiées, 8 ont été éliminées. Joueront la suite la Russie, l'Uruguay, la France, la Croatie, l'Angleterre et la Belgique. L'Espagne et le Portugal ont encore besoin d'un point pour rejoindre les qualifiés. Et puis Solidays a eu lieu ce week-end. Avec près de 212 000 spectateurs en 3 jours, le festival a battu son record de fréquentation. Et depuis 20 ans, 25 millions d'euros ont été récoltés. C'est une semaine de soleil qui s'annonce sur la plupart de régions. On pourra avoir quelques nuages sur les frontières du nord-est ce matin, puis 2 ou 3 aussi qui vont traîner sur les reliefs alpins surtout. Mais le beau temps va très très vite dominer comme ce week-end et ça va durer toute la semaine avec des températures qui vont monter crescendo au fil des jours sur la plupart des régions. Ce matin, on a 9 degrés à Clermont-Ferrand, 10 à Auxerre, 11 à Rennes, 16 à Lyon, Paris et Toulouse. Et puis dans le courant de la journée, eh ben là aussi ça va encore grimper. On aura jusqu'à 28 degrés sur la moitié nord et 31 degrés pour le sud. 6h, 9h, le double expresso RTL 2. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entrecoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. C'ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si on trace un trait, un point dans notre espace, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Louise Attaque avec la voix de Gaëtan Roussel qui sera notre invité vendredi pour la grande dernière du double expresso de la saison, évidemment. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Oh, parce qu'on repart 3 semaines d'été de double expresso été avec Madame Justine. Ah, c'est Justine, pas du tout la dernière donc. Hein. Bah si, dans la configuration actuelle avec Jonathan, avec toute l'équipe, comme ça évidemment. Et après on partira pour un truc un peu plus estival. Alors le winner du jour, trouvé sur 20minutes.fr. Alors c'est un ras-le-bol ce winner. Notre winner s'appelle Philippe, Philippe Glorieux. Il en peut plus de voir des voitures qui roulent à plus de 50 km/h devant chez lui. Donc cet habitant d'Azur, c'est dans les Landes, a décidé de passer à l'action. Les gendarmes et la mairie ont refusé de construire un ralentisseur à proximité de sa maison. Donc lui, il a installé un radar fictif au niveau de son portail. C'est bon ça. Le radar, donc il n'est pas signalé en amont, il ne flash pas bien sûr. Non, c'est un faux. Ouais. Mais il est équipé d'ampoules grillées avec des miroirs à l'arrière, donc ils réfléchissent la luminosité des phares. Donc vraiment, il ressemble à un vrai radar. Donc hein, du coup, ils ont l'impression qu'ils sont flashés dès qu'ils allument leurs phares. C'est un bricoleur quoi. C'est drôle. Donc à en croire Philippe, ça marche et surtout, il n'y a aucun danger de se faire surprendre. Alors aucune loi n'interdit interdit l'installation d'un radar fictif sur une propriété privée. La responsabilité pénale de son propriétaire peut être engagée en cas d'accident provoqué par celui-ci, ouais, simplement. C'est ça, c'est s'il éblouit, quoi. Et l'État peut demander le retrait du radar s'il prête à confusion avec les vrais. Et il peut avoir une amende. Moi, je pensais que c'était totalement interdit. Bah, non. Aussi. Enfin, moi, je pense qu'il pourrait aussi tenter d'envoyer des amendes. Il se ferait de l'argent de poche en faisant le pédard devant chez lui. Pas le super combo. Pas faux. Bravo, Philou, t'aider notre winner du jour dans le Double Expresso RTL 2. Can't Stop sur RTL de 6h40, le méga combo de l'enfer arrive. Bruce Springsteen, ça c'est une bonne nouvelle.

It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Je vous en avais parlé rapidement, mais c'est vrai que vendredi, on fait la fête, Justine, hein, des invités de prestige. On aura Charlie Winston avec nous, Gaëtan Roussel également. Et puis une surprise, également à partir de 9h, je ne peux pas vous en dire une plus. Une petite surprise qui fait plaisir à Greg. Voilà, il y aura plein de musiciens et plein d'artistes qu'on aime sur RTL2. Springsteen, Born in the USA sur RTL2, 6h50. RTL2, le tube de la brosse à dents. Évidemment, après Bruce Springsteen, il va y avoir Bruce Springsteen. Tiens, je l'accueille tout de suite. Bonjour Bruce. Oh yeah, bonjour les pop rockers, en forme? En forme, en pleine forme. Ça faisait plaisir d'entendre mon copain Bruce. Bonjour Sylvain. Bonjour, content d'être avec vous. Salut Sylvain. Salut, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes à Solliès-Toucas, c'est à côté de Toulon. C'est ça, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous aimez comme musique, dites-moi, ou comme passion? Je vois que le sport, c'est votre truc, hein. Ouais, j'aime beaucoup le sport. Puis là, la Coupe du Monde, forcément, c'est un gros moment. Ouais, vous êtes à fond. Vous aimez le rugby comme vous êtes à Toulon? Ouais, exactement. Il y a le RCT, donc on soutient à fond, même si ces derniers temps, c'était pas terrible. Voilà. Ouais, mais enfin, vous avez été gâté les années d'avant. Et le pilou-pilou, hein? Évidemment. Exactement. C'est l'accueil des, enfin, les bruits des supporters toulonnais quand les joueurs arrivent. Merci de la traduction. Le pilou-pilou. Rien que le nom est rigolo, hein. T'es d'accord. Bon, Sylvain, on va essayer de jouer avec Bruce Springsteen. Vous allez découvrir ce qu'il chante pour gagner, comme vous le disiez, Justine, un voyage, irrésistible voyage de Brittany Ferries d'une valeur de 1000 euros. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, go. Bonne chance. Alors, Sylvain, on vous écoute. Je dirais Calogero. Eh ben voilà, bravo. Bah, facile, bravo. Il a bien chanté, Bruce. Alors, Justine me regardait en train de me dire impossible. Ah bah, non, je l'avais. Moi, je l'avais pas du tout. Bravo. J'ai le droit aussi. Sur la fin. Bah, ouais, bravo. Vous m'impressionnez, hein. Vous venez de gagner un très beau cadeau offert par Brittany Ferries. 1000 euros avec le coffret cadeau by Brittany Ferries à la découverte de Londres, de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal. Séjour traversé aux croisières à deux en famille ou entre amis. Plus d'infos sur www.brittanyferries.fr. Bravo, Sylvain. Sylvain, on vous embrasse. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Beaucoup. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Que dira mon père? J'en ai marre de faire semblant. Que dira ma mère? M'aimera-t-elle toujours autant? Je ne suis pas mieux qu'un homme. j'ai le droit aussi sur RTL de 7h05. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. Andy Warhol l'avait prévu, il a le droit aussi à son quart d'heure de gloire. C'est Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. Un jour une introduction. Bah, bien sûr. Je suis fier de toi, Grégory. Bonjour. Hein. Bonjour Justine, bonjour à tous. Bonjour. On va démarrer avec une petite info. Pas un quart d'heure. Hein. Non, évidemment, pas quart d'heure de gloire, mais bon, la seconde. Petite info télévision, Gilbert Montagnier va se mettre au fourneau pour la prochaine saison du meilleur pâtissier célébrité. Ah ouais. C'est bien. Je trouve ça cool. En même temps, Gilbert, voilà, c'est vrai que la pâtisserie, c'est son truc. Il peut faire des recettes les yeux fermés, il s'en fout. Il est nickel. C'est énorme. Faut pas que je rigole. C'est un peu taquin. On part en Grande-Bretagne et le Brexit qui fait des siennes, puisque des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour réclamer un second vote. Ah, mais j'ai plus ça. Réclamer de recommencer quand on a perdu. On dirait Greg quand on joue au Millborne. Ça comptait pour du beurre. Millborne, Uno, Monopoly. Dès que ça perd, on recommence tout le temps. Mauvais joueur. Une petite info énergie pour terminer. Pour éviter un éventuel blackout, la Bretagne se raccorde à l'Irlande grâce à un câble électrique sous-marin de 580 km. Et puis, ils vont installer aussi un tuyau pour éviter une pénurie de bière. Voilà, on sait jamais aussi. On prend l'électricité, on prend la bière, on prend tout. T'as vu sur le truc à pression, ça met du temps, ça vient de loin. Ouais, mais bon. 600 bandes pour que ça sorte du fût. Merci, Jonathan. À tout à l'heure, 8h55. C'est pas l'Irlande, c'est l'Écosse qui frappe à notre porte. Texas Summerson pour bien commencer la journée. À tout de suite sur RTL 2. RTL 2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio Pop Rock. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Enchaînez les virages et les kilomètres. Maîtrisez vos trajectoires. Adhérez totalement à la route. Ressentir cette sensation de sérénité absolue. Et surtout, appréciez la tenue de route reconnue de votre Peugeot, associée à des pneus en parfait état. Chez Peugeot, du 25 au 29 juin, bénéficiez de 50% de remise sur le deuxième pneu acheté. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, ils ont encore la grosse tête ici. Lidl, ils ont le melon, c'est ça? Non, là c'est la pastèque patron. Aujourd'hui et demain, ils envoient du lourd. Hein. 2,99€ la pastèque sans pépins. Du lourd, en effet, ouais. Et pour nous, ça crée pas ta caisse la pastèque à moins de 3€ pièce. Ah non, mais là c'est vous qui êtes lourd patron. Hein. Parce que moi, ça me fait pas rire la pastèque à 2,99€ chez Lidl. Eh oh, c'est bon, hein. Tu sais quoi? On fait pas le point. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Calibre 4,5 kg, 5,5 kg, sans pépins, origine Espagne. Vous pensez que mini rime toujours avec petit? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surfs, les raquettes de tennis, le pique-nique. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380€ par mois, LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman Oakwood 102 chevaux, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Conditions sur mini.fr. RTL 2. Leclerc. Chérie, une Renault Twingo en location, 4€ par jour chez Leclerc. Non. Si. Et pour 1€ de plus, tu as une Renault Clio à 5€ par jour. Non. Si. Et pour encore 1€ de plus, une Fiat Tipo. 6€ par jour pour une Fiat Tipo chez Leclerc. Non. Si. C'est parce que partir en week-end ne doit pas être une question de prix que chez Leclerc, la location de voiture est disponible à partir de 4€ seulement. Hors frais kilométriques liés à chaque modèle. Voir modalité et magasin sur le site location.leclerc. Twingo, Clio ou Tipo? Y'a quoi comme couleur? À la fois standardiste, responsable magasin et livreuse. Elle sait tout faire sans se planter. Elle, c'est Emma. Emma Gnolia, artisane fleuriste et son Citroën Berlingo. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan. Ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Berlingo Blue HDI Business avec 3 places à l'avant et aide au stationnement arrière est à partir de 139€ par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 2745€. Offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels. Valable jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Toyota. Et si on allait au ski tous ensemble? I go. En boîte avec tes copines? I go. Un bowling en famille? I go. Un tournoi de Mikado? Non, ça, désolé, je peux pas. Partez où vous voulez, quand vous voulez, avec la nouvelle Toyota iGo connectée à votre smartphone avec écran tactile et caméra de recul. À partir de 109€ par mois, entretien inclus. Toyota. Offre particulière non cumulable jusqu'au 30 juin pour iGo X-Play X-App 3 portes neuves en location longue durée 37 mois ou 30 000 km. Premier loyer 1950€, connectivité smartphone avec Pioneer. Détails sur toyota.fr. Bonjour et bon début de semaine sur RTL 2. Il est 7h, bienvenue sur RTL 2. RTL 2. Il est 7h, les infos sont signées Fabienne Terkaev. Bonjour Fabienne. Bonjour Greg, bonjour à tous. Édouard Philippe en Chine. Le Premier ministre français termine aujourd'hui sa visite à Pékin. Il a été reçu par le président chinois Xi Jinping. Ils doivent continuer le dialogue entamé en janvier dernier lors de la visite d'Emmanuel Macron. Parmi les sujets à aborder, Édouard Philippe espère une levée de l'embargo chinois sur le bœuf français, instauré au moment de la crise de la vache folle. 10 interpellations dans l'ultra-droite en France. 10 personnes ont été arrêtées ce week-end en Corse, en région parisienne, dans la Vienne et en Charente-Maritime. Un groupuscule dirigé par un retraité de la police nationale y projetait des attaques contre des musulmans. L'enquête devra déterminer le degré d'avancement et de maturité du projet. Comme le prévoient les textes en matière de lutte antiterroriste, les gardes à vue peuvent s'étendre jusqu'à 96 heures. Erdogan toujours au pouvoir. Le chef de l'État turc a été réélu dès le premier tour de la présidentielle hier pour un nouveau mandat, 53% des suffrages, dont plus de la moitié pour son parti. Ses partisans ont fait la fête une bonne partie de la nuit dans les rues d'Istanbul. 15 ans qu'Erdogan est au pouvoir. Sa réélection est marquée par un mandat au pouvoir renforcé. L'opposition parle de fraude et réclame un second tour. La varicelle est en plein boom. Attention à l'épidémie qui est assez présente en ce moment, notamment en Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne, Occitanie, Pays de la Loire, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Île-de-France. Ça fait pas mal de régions. Ah bah oui, si la varicelle touche généralement les enfants de moins de 5 ans et reste assez bénigne, la maladie peut être très très dangereuse chez les ados et les adultes et il est conseillé de se faire vacciner. Il ne manque qu'un point à l'Espagne et au Portugal pour jouer les 8e de finale du Mondial. Et oui, les Espagnols jouent le Maroc aujourd'hui et dans le même groupe, l'Iran affronte le Portugal. Dans le groupe A, à suivre aujourd'hui, Uruguay, Russie et Égypte, Arabie Saoudite. Globalement, c'est une semaine de soleil qui s'annonce sur la plupart des régions. On pourra avoir quelques nuages sur les frontières du nord-est ce matin, puis deux ou trois aussi qui traîneront sur le relief des Alpes. Mais le beau temps va très très vite dominer, comme ce week-end d'ailleurs. Et ça va durer toute la semaine avec en plus des températures qui vont monter crescendo au fil des jours. Les températures de ce matin, elles affichent 10 degrés à Clermont-Ferrand, 11 à Auxerre et également à Rennes, 15 à Lyon, Paris et Toulouse, 14 à Agen, 19 à Nîmes. Pour cet après-midi, ça va encore grimper. 28 degrés sur la moitié nord au maximum de la journée, 31 au sud. 7h03, bonjour à tous, bonjour Justine. Salut Greg, bonjour tout le monde. Texas, ils font actuellement la tournée des festivals. Ils seront notamment le 5 juillet aux Eurocan de Belfort, au festival Pause Guitare à Albi le 8 juillet. Toute leur actu sur rtl2.fr. On les écoute pour bien commencer la semaine. Tu danses déjà toi, d'accord? Complètement. Texas, Summerson sur RTL2, bonjour. Texas Summerson sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Le double expresso RTL2 de 6h à 9h. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour attaquer une nouvelle semaine, n'est-ce pas? Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. On est content, hein? On est ravis. Oh, super content. Bonjour à Jonathan O'Donnell. Bonjour, bonjour. Bonjour à Jérémy qui est aux manettes. Bonjour. Bonjour à Max qui est aux réseaux sociaux. Bonjour. Et bonjour à Vivi qui est au standard jeu 32-28. Aujourd'hui, c'est la Saint Prosper. Du coup, moi, ça me fait penser à un petit son qu'on avait rappelé, Prosper du Plaboum, le roi du pain d'épices dans notre jeunesse. Oui. Je l'ai déjà passé plein de fois. Oui, bon, oui. On va retrouver ça. Mais sachez que dans la série Quand j'étais gamin, j'ai des souvenirs qui reviennent. Ah. J'ai trouvé ça dans Le Parisien aujourd'hui en France. Les Tritz sont de retour. Ah, ça me Qu'est-ce parle. Que c'est, les Tritz? C'est pas l'ancêtre de quelque chose? Mais si, ce sont les ancêtres des M&M's, tout simplement. Ah oui. En ah. fait, moi, quand j'étais gamin, les M&M's n'existaient pas en France. Et donc, il y avait des Tritz. Non, mais c'est vrai. C'était des Tritz. Et ils se sont arrêtés en 86 pour lancer les M&M's partout dans le monde. Et ça revient là? Mais c'est, oui, ça revient. Ils les lancent. Ça fond. En fait, la pub, c'était ça fond dans la bouche et pas dans la main. Donc du coup, il y avait ces Tritz là, bah, vous postez ça avec le souvenir. Alors ils vont changer quand même les sachets, ils vont orange, ils vont devenir orange, ils ne seront plus jaunes comme dans notre jeunesse, voilà. Mais en tout cas, la marque Tritz, T-R-E-E-T-S, revient. Mais je vous cache pas que ça fait plaisir. Et bah, bonne nouvelle pour tous les quarantenaires. Bah, attention au comeback des Raiders, du coup. Hein. Bah, les Raiders anti-Twix. Évidemment. Bah, voilà. On mange 3,5 kg de bonbons par an, nous, en France. Oh là là là, c'est énorme. Dont 3 kg... par semaine pour moi. Bienvenue. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering.

7h17, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Ton Info Expresso spécial festival arrive après Tina Turner, voici The Best sur RTL 2. Turner, The Best sur RTL 2. L'info expresso du double expresso RTL 2. Alors, c'est la pleine saison des festivals, évidemment. Justine, il y avait Solidès ce week-end. Il y aura Lollapalooza avec nous dans 3 semaines. Tu as des trucs pour nous simplifier la vie en festival? Oui, dans les festoches, comme on dit. Alors, comme tu dis, hein. Des plus gros problèmes que l'on rencontre quand on est en festival, c'est de retrouver ses amis. Parce qu'on se perd, parce qu'il y a plusieurs concerts, parce qu'on a envie d'aller faire pipi. Enfin, bon, il y a plein de choses. Bref, pour beaucoup de raisons, on perd nos compagnons. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils vont faire les foufous dans la fosse, voilà. Tout ça, quoi. Bon, d'accord. J'ai une solution qui s'appelle Link. Link, ça fonctionne sans internet, sans réseau. C'est en fait un mini mousqueton. C'est pratique, ça peut s'accrocher donc partout, hein, sans risque, sur votre jean, votre short, que sais-je. Et en liant votre Link à vos amis, vous pouvez en lier avec 12 amis au maximum. Bon, c'est pas mal. Vous pouvez savoir exactement à quelle distance et dans quelle direction il se trouve. Parce que c'est un peu comme une boussole. C'est un GPS de copain. Voilà. C'est une boussole, ça vous met par exemple Sarah, hop, elle est au nord-ouest, à côté. Et j'ai regardé, parce que moi je suis pas très douée en boussole, je suis vraiment nulle même. C'est vraiment très simple d'utilisation, c'est indestructible. La batterie dure 3 jours, parfait pour un festival. Ça marche dans un rayon de 4 km. C'est complètement très large. Et le gadget, bon, par contre, n'est pas dispo pour le moment parce que la campagne pour financer le projet n'a pas terminé. Ah bah c'est ballot, c'est bien, mais ça n'existe pas. Mais les précommandes sont déjà possibles. Ah, mais non, d'accord. Parce que ça va cartonner. Ah, bien sûr. Sinon, il y a un truc pas mal, c'est d'envoyer un SMS aussi, non? Pour dire t'es ouf. Mais non, mais parfois tu rigoles, il y a. Ça capte pas. Mais ça capte pas. Ouais. Oh, bah vous avez des. Et puis il y a trop de monde. Bon, mais sinon vous faites comme Max, vous le suivez comme il est tout rouge et qu'il est roux. Bah c'est lui que vous voyez avec la lueur en plein milieu des festivals. Ça, c'est sûr. Ça marchera très bien. Merci Justine, on vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Dans les médias, voici Julien Doré, Porto Vecchio. La lumière est divine sur le Porto Vecchio. J'ai le spleen, on tatoue ma peau. Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues. Mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Sur RTL de 7h26, c'est l'heure de l'horoscope en ce lundi 25 juin. On y va, médaille de bronze pour les Gémeaux, Greg. Vous vous emportez facilement, détendez-vous. Les balances. Vous attaquez la semaine en petite forme, un peu de repos vous ferez le plus grand bien. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Vous vous accordez des petits plaisirs et vous avez bien raison. Taureau. Vous n'avez pas été trop dépensier ce week-end, vous pouvez être fier de vous. Les cancers. Vous êtes prévoyant, vous ne vous laissez pas dépasser par les événements. Les lions. Il y a du mouvement dans votre vie sentimentale, la nouveauté vous fait du bien. Les vierges. Vous n'hésitez pas à faire des sacrifices pour concrétiser vos projets, vous savez ce que vous voulez. Scorpion. Les invitations fusent à droite et à gauche, il faut dire que vous êtes incontournable en ce moment. Sagittaire. La chance vous sourit ces derniers temps, profitez-en.

qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. 6 équipes qualifiées, 8 éliminées joueront la suite. La Russie, l'Uruguay, la France, la Croatie, l'Angleterre et la Belgique, l'Espagne et le Portugal ont encore besoin d'un point pour rejoindre les qualifiés et jouent aujourd'hui. Et puis Solidays a eu lieu ce week-end. Avec près de 212 000 spectateurs en 3 jours, le festival a battu son record de fréquentation à l'occasion de sa 20e édition grâce à une météo ensoleillée et une programmation riche. Et du côté de la météo, aujourd'hui, c'est une semaine de soleil qui s'annonce sur la plupart des régions. On pourra avoir quelques nuages sur les frontières du nord-est ce matin, puis deux ou trois qui vont traîner sur les relèves alpins. Le beau temps va toutefois très très vite dominer, comme ce week-end. Et puis là, ça va durer carrément toute la semaine, avec des températures qui vont progressivement monter dans le courant de la semaine. On a ce matin 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Auxerre, 11 à Rennes, 16 à Lyon, Paris et Toulouse, et déjà cet après-midi des températures estivales jusqu'à 28 degrés sur la moitié nord et 31 degrés pour le sud. 7h32, c'est le Double Expresso RTL2. Bonjour à tous. Et bonjour Justine. Et bonjour Greg. Bonjour tout le monde. Je fais bien le gars surpris de te trouver comme ça à mon côté. Hein, c'est étonnant. Ça fait quand même plus de 2 heures que tu me vois. Hein. Oui, mais presque 2 ans surtout. Tu comprends, c'est surtout que le temps passe vite. Et tant mieux. Hein. Muse, Starlight, avant la chanson du jour. Bienvenue. Merci de vous réveiller avec RTL2 et le Double Expresso. Sur RTL 2, 8h25. RTL 2, la chanson du jour. Blondie. On le connaît, Blondie. Bah bien sûr. Grand groupe américain avec la belle et grande Debbie Harry qui est une voix mythique. Alors juste après le succès de la chanson Heart of Glass qu'on entend régulièrement sur RTL 2, ils ont sorti un troisième single sur leur album Parallel Lines, on est en 78. Et One Way or Another, c'est le titre de cette chanson, a été un grand succès. alors qu'elle n'est pas sortie en single, par exemple, en France ou en Angleterre. Et le magazine Rolling Stones l'a classée 305e chanson de l'histoire sur son top 500. C'est pas mal, c'est un grand succès. Alors, il faut quand même aussi dire que cette chanson, on la retrouve dans énormément de bandes originales de films. Il y en a un que vous adorez, c'est Coyote Girl, puisque c'est la chanson qui est chantée par Piper Perabo dans Alias Violette pour rompre sa timidité. Et elle commence à chanter pour que le bar se calme. Je sais pas si vous en voyez la scène. Parce qu'on adore ce film dans l'équipe. Voilà. Donc comme vous aimez ce film, je me suis dit on peut le faire. Et puis la dernière BO en date concernant cette chanson de Blondie, One Way or Another, c'est le dernier Spielberg, qui est alors pour le coup un film ultra générationnel, à savoir Ready Player One. On écoute Blondie, c'est ma chanson du jour. Qui résonne dès le matin et c'est drôlement chouette. One Way or Another, c'était ma chanson du jour. Tiens, on va baisser de rythme, mais ce sera... t'es essoufflé. Ah ouais, ça fait du bien cette chanson. Je disais, on va baisser de rythme, mais ça sera joli quand même. Il y aura Crash Test Dummies qui arrive. Tu connais le titre ? Bien sûr, c'est un autre délire, mais on aime bien aussi ça. C'est le titre. Il y aura la banque RTL2 également au 32-28. A tout de suite, il est 7h40. C'est le Double Expresso RTL2. RTL2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio pop rock. À la fois conseiller, commercial et responsable SAV, il sait tout faire en évitant les tuiles. Lui, c'est Richard. Richard Doise, artisan couvreur et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy Taille M Business avec navigation connectée 3D et aide au stationnement arrière est à partir de 189€ par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 3 555€, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Passons au retrait.

passes by, whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone et de volupté pour attaquer une semaine. C'est plutôt pas mal, Crash Test Dummies, sur RTL 2. C'est l'heure de la banque RTL 2. Douceur et volupté, ça marche aussi avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Greg, bonjour Justine. Salut Karine. Ça va ? Bonjour, bonjour, ça va, super. Bon, vous êtes à Beauchamp, c'est ça, c'est dans le 95. Oui. Je vois que vous avez des goûts musicaux proches de ceux d'RTL 2, évidemment. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous écoutez ? Alors, Vianney, Calogero, comme ça peut être U2, Coldplay, ça a été varié. Impeccable, vous êtes au bon endroit au bon moment, hein, du coup. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous ? Je suis quelqu'un qui prend la vie comme elle vient, je suis souriante. Bon, je peux être aussi un petit peu naïve. Ah. Oh oui, mais ça c'est mignon, oui, on l'est tous. Surtout Jérémy, voilà. Notre réalisateur. Très très naïf, c'est un tendre, hein, vous savez Jérémy. Ah, c'est clair. Non, moi j'ai rêvé. Et Karine, vous êtes célibataire, vous êtes maman ? Je suis en concubinage et j'ai deux enfants de 7 et 4 ans. Eh ben okay, voilà, la petite famille est complète. On va vous offrir peut-être un séjour en Grèce pour deux personnes. Faudra trouver quelqu'un, papy, mamie, pour garder les enfants au cas où. Peut-être 10 000 euros. Des vacances, des téléphones, des ordinateurs. Top chrono, c'est la banque RTL 2 qui est en coffre vide. Voici le coffre 1. Un séjour pour 4 personnes au parc Astérix. Ah. Ah ouais. 650 euros, vous avez la nuit d'hôtel et les déjeuners. Oui, bah je prends. Ah bah voilà. On prend ça, on est sûr, on est certaine. Ah oui, oui, oui, oui, là vous allez faire des heureux là. Eh bah bravo, c'est gagné. Ouais. Ah voilà, on est content. Ah, parfait. Hein, ça a été rapide. Ah, c'était rapide, efficace, pas de prise de tête. Gagnez un séjour au parc Astérix d'une valeur de 650 euros. Oh là vous là irez là dormir là à l'hôtel, vous mangerez, tout ça c'est pour nous évidemment. Oui, vous avez le petit déj et le dîner compris. Oui, il y a le dîner, j'avais dit les déj, il y a aussi le dîner. Oh, c'est royal. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre 2 de... Un séjour en Grèce avec Eliade. Et il y avait le séjour en Grèce. Je vais quand même vous donner le prix parce qu'on ne l'avait pas dit depuis tout à l'heure. C'est un séjour en Grèce avec Eliade d'une valeur de 2500 euros. Ah oui, quand même. Mais ah oui, bon, quand ça aurait été compliqué de faire garder les enfants. Ouais, voilà. Voilà. Là, vous allez faire plaisir à vos enfants. Voilà, ah ouais, direction ouais, le parc Astérix. On vous embrasse. Si, comme Karine, vous voulez jouer 32-28, on joue dans moins d'une heure. À nouveau des séjours en Grèce à gagner d'une valeur de 2500 euros. Banque au 74-900 et... Et Karine, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2 ? Un double expresso ! Sanity, where have you gone? You leave at night, return at dawn. I fall from grace here in the dark. Turn the dive into a work of art. My baby saw me, but I felt no shame. I start a fight with anyone who's in. Hurt everybody, but I feel no pain. I just wanna feel something. I just wanna feel something. Hear me now, laugh with the crowd. But inside the siren screaming loud. Touch me now, my body is warm. But inside I'm frozen to the bone. I had somebody try to crush the cold. But I'm not sorry for the hearts I sold. I wish I could give you tears from my eyes, but it seems that I've forgotten how to cry. I just wanna feel something. I just wanna feel something. I'm drinking until I'm drunk. I'm sinking until I'm sunk. But nothing I do seems to feel me. I'm bleeding but I'm so numb. I'm wasted but I survive. Run right into wine might kill me. Just to feel something. I just wanna feel something. Sanity, where have you gone? You leave at night, return at dawn. Marina Kay, Something sur RTL2. RTL2, les savoirs inutiles. Pour briller à la machine à café. Bon, bientôt les vacances. Mais ça approche. Alors pour nous, ce sera fin juillet, enfin vers le 20 juillet. Ben oui. Ouais, puisqu'on va dire le festival de la Palouza, parce que la vraie dernière du double expresso, c'est vendredi, on fera la fête ensemble, mais après on fait un peu double expresso de l'été avec Justine, évidemment, on est là avec vous. Bientôt les vacances, qui dit vacances dit plaisir, et ce matin, on va vous parler d'un endroit de détente absolue musique. Pour ça, retour en 1948, en Italie, où le fils d'une famille, c'est pas très drôle, souffre de polyarthrite. Pour le soigner, papa fabrique une baignoire familiale avec dedans une pompe submersible produisant un jet massant à base d'eau et d'air mélangé. Des jets massants à base d'eau et d'air mélangé. À votre avis, quel est le nom de cette famille ? Jacuzzi. Jacuzzi. Ah ouais, je suis bon. Ouais. La famille Jacuzzi est donc papa Jacuzzi, pour soigner son fils, a inventé le jacuzzi. Ah, ça vient de dans là. Dans lequel on se met tous avec des bulles, des jets massants entre l'eau et l'air mélangés. Donc, sachez que la prochaine fois que vous poserez vos fesses royales dans un jacuzzi, c'est parce que papa Jacuzzi avait construit ça pour soigner son fils. Oh, on en apprend des choses. Pas mal, hein, ce petit savoir inutile. Ah ouais, pas mal du tout. Ouais. Et, bah merci, bah, ça fait plaisir. Vous m'auriez dit non, ça m'aurait pas arrangé. Ah, non, mais je te confirme, c'est bien. Tu sens pas propre, Jérémy, s'il te plaît. Ça aussi, ça sent les vacances. Ah, ça aussi. Ça me rappelle des choses. Ça te rappelle quoi ? On peut prendre le temps. Hein. Ça me rappelle mes vacances. L'année dernière. C'est-à-dire, donne-nous des détails. Je sais pas, en attendant. Je sais pas, il y avait un homme. Comment est-ce que. Vas-y, raconte. Non, c'est mes voyages en voiture. C'est-à-dire, vas-y, raconte. Harry Styles, Son of the Times sur RTL de 756. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tous les jours, à partir de 16h, je vous retrouve avec le Drive RTL 2 pour vous raccompagner chez vous. Avec au menu du son pop rock, des jeux, des infos sur le son pop rock, des interviews, des découvertes et encore du son pop rock. Bref, à tout à l'heure sur RTL 2. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah, au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot ? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil ? Pendant l'opération Fan de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasin participant sur intermarché.com. Et bien sûr, foot veut dire nourriture. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Les vacances approchent, vous allez bientôt pouvoir tout oublier. Tout, sauf la sécurité. Heureusement, Feu Vert et Michelin vous accompagnent dans les moments qui comptent. Jusqu'au 30 juin, pour l'achat de vos pneus été ou 4 saisons Michelin, jusqu'à 80 euros offerts. Oui, 80 euros. Et 9 clients sur 10 qui recommandent Feu Vert, c'est ça la patte de l'expert. Modalité sur feuvert.fr. Avec le service après-vente Peugeot,

Et du côté de la météo aujourd'hui, ça s'annonce bien encore. Une semaine de soleil qui s'annonce sur la plupart des régions. On pourra avoir quelques nuages sur les frontières du nord-est ce matin. Puis deux ou trois encore qui vont traîner sur le relief des Alpes. Mais le beau temps va très très vite dominer comme ce week-end. Et là, ça va durer toute la semaine avec en plus des températures qui vont monter crescendo au fil des jours. Les températures justement ce matin, on a 13 degrés en ce moment à Clermont-Ferrand. 16 à Lyon et également à Toulouse, 14 du côté de Rennes, 20 pour Nice et ça va grimper jusqu'à 31 cet après-midi sur la moitié sud. Harry Styles, Sign of the Times sur RTL, le bonjour 8h02. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Sky, you look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never. Sign of the Times dans le double expresso RTL de 8h06. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Lundi 25 juin, 402e. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Et puis j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez passé un bon week-end reposant. Tu t'es bien reposé toi d'ailleurs ? Oh bien, je sais pas, mais un peu. La fête. Un petit peu. Bah oui, j'ai un peu fait la fête, me suis un peu reposée, un week-end quoi. Mmh. Ouais. Toi, t'as travaillé? Oui, j'ai travaillé. Bah, foot oblige, il y avait de la télé, il y avait du foot sur la chaîne équipe. Bonjour Jonathan O'Donnell. Salut Greg, salut tout le monde. Ça va? Ouais, ça va très bien. Bon, 8h55. Oui, je serai là. Ouais. Top 3 de l'actu, évidemment. Bonjour Jérémy. Hello l'équipe. Est-ce qu'on a tendu la pelouse ce week-end, Jérémy? On est monté sur son tracteur qui tombe ou pas? On n'a pas le choix, oui. Ça pousse bien. Bien sûr. Bonjour Max. Salut. Il est aux réseaux sociaux, Max. Twitter, Facebook, Instagram. Yes. N'hésitez pas à nous rejoindre. Fiesta. Voilà, moi je dis ça, Fiesta, je m'en fiche ce que vous jugiez, c'est pas un problème. Grosse fête, vendredi matin, fête de fin d'année, Justine. Hein. Oui, c'est notre kermesse à nous. Charlie Winston et Gaëtan Roussel seront en live. Ouais. Ils seront là pendant 2 heures. Nous, on fait un gros 6-9h30. Oui. On dépasse. On dépasse. On va dépasser. Il y aura un invité surprise et puis Charlie Winston et Gaëtan Roussel. Si vous voulez assister à cette kermesse de fin d'année, cette fête de fin d'année, vous n'hésitez pas. Vous allez sur la page Facebook du Double Expresso RTL. De Max est en train de vous créer un poste. Ouais, exactement, voilà. Pour vous inscrire, pour venir faire la fête en notre compagnie. Ça va être cool. Il y aura plein de choses à manger. Oui. Et à boire et tout ça. Bah c'est sympa, ça met dans l'ambiance. Surtout Charlie Winston et Gaëtan Roussel, et puis nous, puis vous. Bah aussi. Bon, bah bonjour, bienvenue, bon réveil, 8h08. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Ironic dans le Double Expresso RTL2 à 8h11. Je vais vous parler, je vais me transformer en Jamy et Fred dans quelques secondes pour l'Info Expresso. En C'est pas sorcier, ça te tente. Je vais réparer les bruits horripilants. Petit scientifique. Ouais, je vais tout vous expliquer sur les bruits qui vous rendent fou. Oh. Et puis on écoutera également du son pop rock. Ce sera Rag & Bone Man sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Calogero. Oh. Vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio.

our hearts are falling. God knows how I didn't see this coming. Can you hear the sound? The sky is crying. My love, my love. Oh, your love keeps me in chains. Just like the river, I come back again. Oh, your fear keeps me right here. You'll be the arrow, the arrow. This love was begging to feel the same, but you gave me nothing. I'm here again, the sky is crying above, above. If you told me then what I know now, I'd be long gone, but I'm here somehow. Can you hear the sound? The sky fell down on us, on us. Don't you need this no more? Are you strong enough, strong enough to lose it, to fool yourself? So hard to understand. Guess I didn't want to change this whole. Chanson de Rag & Bone Man, Arrow, vous l'avez découverte chez Alexis, hein, chaque soir du lundi au jeudi à 19h et le vendredi à 20h pour les nouveautés pop-rock. L'Info Expresso RTL 2. L'Info Expresso tous les jours à 8h20, on lit la presse, on fouille le web pour on vous. On fait ça et avec plaisir en plus, hein, c'est les incontournables du jour sur le figaro.fr. J'ai trouvé le comment résoudre un son horripilant, un son qui nous agace. Bon, est-ce qu'on a tous un petit son maudit? C'est quoi toi? Moi j'en ai un assez classique, vous savez les ongles ou la craie sur le tableau là. Oh, ah, mais qui fait ça? Ça me hérisse les poils. Pire aussi, quand tu rates le steak ou le poisson, tu coupes ton couteau dans l'assiette. Arrête, ça me... je suis pas bien. J'ai mal aux dents. Jonathan? Moi, le bruit du frigo la nuit. Pourquoi? Parce que je vis dans un studio avec. J'ai le frigo à côté de moi et ça fait un bruit. Je vis dans un frigo. Ah, c'est important. C'est pas loin. Hein. Jérémy? Ah, moi, c'est les gens qui mâchent leur chewing-gum très fort avec la bouche ouverte. Ah là là, je comprends. Max? Ouais, moi, c'est ceux qui. Justine, elle aime bien quand je fais ça. C'est quoi? Tu sais, quand tu bois ton verre. Ah oui, je fais ça pour l'embêter. Ça, c'est une question d'éducation. Ouais. Alors, on va parler je des parents. Pour l'embêter. On va appeler tes parents. Bah, toujours est-il que grâce à une chercheuse, Anurag Argawal, j'ai découvert comment arrêter le ploc-ploc. Vous connaissez ça? Le robinet. Goutte. Ah oui. Eh oui, qui coule. Ça ne s'arrête pas. C'est pénible. On ne sait pas comment ça fait. Bon, en gros. Il y a des bulles d'air qui se forment et c'est évidemment la conjonction de l'air et de l'eau qui tombe dans l'évier qui provoque le bruit. Je vous passe tous les détails scientifiques parce que j'ai même pas compris comment ça se formait. Hein, je vous le fais en gros. Mais par contre, le bon moyen pour supprimer ce bruit, parce que c'est ça qui compte, c'est le liquide vaisselle. Ça empêche la bulle d'air de se former. Du coup, la goutte tombe en silence. Vous mettez un peu de liquide vaisselle en haut de votre robinet et poc, quand ça tombe, c'est silencieux. Bah, je vais tester parce que j'ai une petite fuite d'eau. Je vais tester sinon, ça ce soir. Tu peux appeler un plombier aussi. Hein, c'est aussi un truc qui peut aussi être efficace, un poil plus cher. C'est une mini fuite, me disiez-vous. Bah tu sais, le liquide vaisselle. Je vais essayer. Par contre, pour la crèche, pour rien pour toi. Oh, arrête, ça me... voici Nathalie Imbruglia, Torn sur RTL2. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Classique du son pop rock. Pour bien attaquer la journée, Nathalie Mbruglia Thorn, il est 8h26 quasiment. Voici votre horoscope du jour. En ce lundi 25 juin, les Gémeaux, juste une médaille de bronze. Vous vous emportez facilement, détendez-vous. Les Balances. Vous attaquez la semaine en petite forme, un peu de repos, vous ferez le plus grand bien. Allez, les médailles d'argent avec les Béliers. Vous vous accordez des petits plaisirs, vous avez bien raison. Taureau. Vous n'avez pas été trop dépensier ce week-end, vous pouvez être fier de vous. Cancer. Vous êtes prévoyant, vous ne vous laissez pas dépasser par les événements. Les Lions. Il y a du mouvement dans votre vie sentimentale, la nouveauté vous fait du bien. Vierge. Vous n'hésitez pas à faire des sacrifices pour concrétiser vos projets, vous savez ce que vous voulez. Les Scorpions. Les invitations fusent à droite et à gauche, il faut dire que vous êtes incontournable en ce moment. Les Sagittaires. La chance vous sourit ces derniers temps, profitez-en. Capricorne. Vous resserrez les liens avec vos proches, ils vous aident à faire les bons choix. Les Verseaux. Vous faites des efforts pour avoir un meilleur relationnel, les progrès commencent à se faire sentir. Et la médaille d'or du jour, c'est pour les Poissons. Le week-end vous a fait du bien, vous êtes en pleine forme pour attaquer la semaine. Le winner du jour arrive à 8h35. Est-ce que tu sais dessiner les dinosaures, toi? Je suis nulle en dessin. Bon, c'est dommage, j'aurais pu te rapporter 30 000 euros. Je vous explique tout dans un instant. Puis on écoutera Train. Je peux apprendre, hein. Hey Soul Sister. Et puis la banque RTL 2 à 8h45, 32-28 pour gagner des séjours en Grèce d'une valeur de 2500 euros et jusqu'à 10 000 euros. C'est sur RTL 2. RTL 2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Restez bien à l'écoute de la radio pop rock. Le

C'est une semaine de soleil qui s'annonce sur la plupart des régions. Côté météo aujourd'hui, on pourra même avoir quand même quelques nuages sur les frontières du nord-est ce matin, mais franchement rien de bien méchant. Puis 2-3 nuages aussi qui traîneront sur le relief des Alpes. Le beau temps va très très vite dominer, comme ce week-end d'ailleurs, et ça va durer toute la semaine, avec en plus des températures qui vont monter crescendo au fil des jours de la semaine. Au mercure ce matin, on a 13 degrés déjà en ce moment à Clermont-Ferrand, 16 du côté de Lyon et également à Toulouse, 16 pour Rennes, 16 aussi du côté de Strasbourg. Cet après-midi, jusqu'à 31 degrés au sud, à Nîmes. RTL 2. Train A Soul Sister sur RTL 2. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Ce winner qu'on a trouvé ce matin sur YouTube. Oui, parce que en fait, il y a une jeune américaine qui a défrayé la chronique. Je vous explique. Il y avait un concours qui était organisé pour tout simplement dessiner ce qui inspirait les enfants de 5 à 18 ans. Bon, tu peux pas jouer, mais t'as une âme d'enfant, donc imaginons que t'aurais pu jouer. Qu'est-ce qui t'inspire? T'aurais dessiné quoi? Moi, j'aurais dessiné une maison. Bon, d'accord, bah, voilà. T'aurais pas gagné. C'est une Américaine de 7 ans qui a remporté le D4G, qui est un concours de dessin organisé par Google pour les enfants donc, de 5 à 18 ans. Elle s'appelle Sarah Gomez Lane et elle a remporté 30 000 $ de bourse scolaire. Ah ouais? Ah ouais, c'est beaucoup hein, pour un dessin. Et son établissement scolaire a remporté 50 000 $ de produits technologiques, soit 43 000 €. Alors, comme le précise le magazine Quartz, elle pourra aussi se rendre en Californie afin de visiter les locaux de l'entreprise Google. Et elle verra son dessin prendre vie sous forme de doodle. Elle l'a expliqué, j'ai dessiné ce qui m'inspirait, c'est-à-dire des dinosaures. Et boum, un dessin de dinosaure, 30 000 € pour elle et 50 000 € pour son école. Moi, je trouve ça super sympa comme truc. Ah ouais, on aurait pu le faire, hein.

le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Calibre 4,5 kg, 5,5 kg, sans pépin, origine Espagne. Passe au retrait à l'avant-centre qui tire, et c'est le but! Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose des cours particuliers, des cours en petits groupes et des stages de vacances. Bénéficiez d'une recommandation personnalisée pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia. Comprendre, ça s'apprend. Tous les jours, partout en France, RTL2, le son pop rock. C'est le double expresso RTL2, on est en pleine forme, la banque RTL2 arrive. Et puis on vous rappelle, vendredi, émission spéciale, Justine, on aura deux très très beaux invités. Ça sera notre, notre fête de fin d'année avec Charlie Winston et Gaëtan Roussel en live. Et il y aura une surprise également, inscription si vous voulez venir faire la fête avec nous sur notre terrasse, parce qu'on sera sur la terrasse d'RTL2, sur la page Facebook de l'émission. Ça s'appelle le double expresso RTL2, très simple. Voilà, vous venez nous rejoindre, on sera là, et vous aussi, on l'espère. What you some turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. RTL2 Under Pressure. C'est l'heure de la banque RTL2. À 9h10, très précisément, c'est Laure qui arrive dans l'émission. Bonjour Laure. Oui, bonjour Greg, bonjour Justine. Et bonjour Laure. Laure qui est sans doute bonjour. Le meilleur café du monde. Vous êtes à Saint-Vincent-de-Tyrosse, entre Bayonne et Dax. Vous êtes dans le sud-ouest, tout va bien. Donc ce matin, vous êtes au Pays Basque, dans les Landes. C'est où? C'est les Landes, non? Oui, c'est les Landes, exactement. Sont les Landes, c'est les Landes, ça, sont les Landes. Bon alors, dites-moi alors, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis garde dans l'environnement. On essaie de protéger. Ah, c'est la bien. Nature. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, garde dans l'environnement? C'est-à-dire vous gardez un bois, des espaces verts? Oui, tout à fait. On essaie de préserver la faune et la flore en faisant des aménagements et puis de l'initiation avec les enfants aussi, parce que c'est quand même l'avenir. Super. C'est très important. Vous avez raison, Laure. Vous êtes fan de Francis Zégut? Ouais, j'adore. Je comprends. Suis super fan, oui. On aime tous Zégut. Ah, ça, on vous comprend. Pop Rock Station du lundi au jeudi à 22h sur RTL2. Allez, on vous souhaite le meilleur pour cette banque RTL2, des séjours en Grèce avec Eliade, des séjours au parc Astérix, du cash, des iPads, des téléphones. Wow. Top chrono, une minute. Attention au coffre vide quand même. Coffre 1. Oui, oui, oui. Un tube de crème solaire. Ah, oh, je vais passer. Oui, coffre 2. Un smartphone Huawei P20 Lite. Bon, hein. Non, je vais passer aussi. Je vais passer. Coffre 3. Allez, coffre 3. Une tablette Samsung Tab S2. 319 euros. Non, je passe. Coffre 4. Une raquette de tennis Wilson Ultra. La raquette de Gaël Monfils. Non. Non, c'est gentil, non. Coffre 5. C'est gentil quand même. Une console Nintendo NES Classic Mini. Non, non, je reste des vacances, non. Allez, 20 secondes. Coffre 6. Un séjour en Grèce avec Eliade. 2500 euros. On fait quoi? Ah oui, on fait quoi là? Faudra laisser les enfants chez papy mamie. On prend, c'est sûr? Ah oui, oui, ah oui. Eh, maman. Ah, génial. Ah, c'est génial, je suis trop contente. Une semaine à deux, destination à la Grèce et ses îles, formule tout compris avec Eliade. Vous pourrez découvrir donc toute la richesse de la Grèce et de ses îles, la chance. Wow. Vous nous enverrez une petite carte postale? Ah ouais, oui, c'est avec bien. Plaisir, bien évidemment. À vous, au choix, Corfou, la Crète, les îles des Cyclades, la Grèce continentale, les îles du Dodécanèse. Je vous envie vraiment, bravo ma chère merci Laure. Merci RTL2, merci Eliade, je suis très très contente. Merci. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant, Jérémy? 300 euros à dépenser sur le site netatmo.com. C'était bien, mais... Non, c'est bon. On vous souhaite une belle journée, de belles vacances et... Merci. Oh, c'est quoi ce bruit derrière? C'est le ventre qui gargouille? Ah non, pas du c'est tout. Une moto qui vient de passer. Ah, mais je me disais, c'est un ventre qui gargouille très fort. On vous embrasse, Laure, et... Laure, bonnes vacances, et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Double expresso. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know, I know. or fall apart. Whatever you want sur RTL 2, 8h55. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Il est le lait, la petite crème qu'on rajoute sur le double expresso RTL 2, c'est Jonathan O'Donnell, bonjour. Oh, c'est mignon, bonjour Grégory, bonjour Justine, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. C'est mignon. Je suis la petite crème et je vous emmène au Canada, où une France... Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, tu me fais rire quand je suis la petite crème. Le mec est tout fier, il a trouvé un surnom. Il Quoi? Je suis la petite crème. Oh, je suis la mousse blanche. Mais oui, c'est mignon, mon Jojo. Oui. Allez, ça va trop loin. Bon. Partout au Canada, une Française a franchi par erreur la frontière états-unienne, donc entre les États-Unis et le Canada, ouais, en faisant son footing et s'est retrouvée en détention 2 semaines. Quelle horreur. J'ai vu ça. Ouais, c'est fou, ça. Terrible, c'est terrible. Et ça, c'est encore une info que Justine va inscrire dans son petit carnet qu'elle a intitulé 200 bonnes raisons de ne pas faire de sport. On va la ressortir. Non, je risque la détention. Il est bien ce carnet, hein. J'avoue, c'est super drôle. Carnet. Info justice, les frères Bogdanov mis en examen pour escroquerie ont déclaré nous n'avons pas reçu un seul euro. Ah. Et en plus, le problème avec les Bogdanov, c'est que quand ils mentent, c'est indécelable sur leur visage. Il n'y a pas d'émotion, tu sais, ça bouge pas. Bon, c'est dommage. Et pour terminer, on s'en va à Monaco. Le musée océanographique lance un appel via Facebook pour retrouver sa caméra pour tortue, voilà, qui a été perdue en mer. Oh. Donc voilà, si vous la retrouvez. Puis si vous retrouvez aussi une serviette plage Hello Kitty, c'est la mienne. J'ai oublié l'année dernière. Donc, à tout hasard, voilà, je me joins à eux. Je t'imagine avec une serviette Hello Kitty. Bah, je rappelle que t'as pas d'enfant, c'est un peu fini. Non, mais je vais gagner un concours. Pas. Bah quoi, pourquoi pas Bah oui, bah je vois très bien ce que c'est, Hello Kitty. Ok, hein. Le gang Hello Kitty, je vais vous laisser entre vous. Pourquoi on va revenir dans quelques secondes avec Kevin Olivier et sa serviette Bob l'éponge. Open your mind. Et open your 500 mind. Euros, mais enfin. RTL2 a été la première radio en France à jouer Portugal de Man. Ce titre de YouTube. Vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Muse. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, votre déménagement c'est bien plus qu'une simple ouverture de contrat. Vous profitez des nouvelles offres d'électricité verte et de gaz d'EDF et de conseils personnalisés pour vous aider à faire des économies d'énergie. Appelez le 3004, tous nos conseillers sont en France. Service et appel gratuit. Offre de marché soumise à condition. Disponible sur particulier.edf.fr.